je t'offrirai des roses et un microscope, des sourires par petites doses ou un magnétoscope, des robes de soie bleue pour aller avec tes yeux, même des vertes peut-être pour aller avec ta crête. Je t'offrirai des chocolats accompagnés d'un repas froid. Et si tu prends ton temps, je t'offrirai même de l'argent. De fines parures d'or, si tu me dis encore quelques parcelles de terrain et une patte de lapin. Je t'offrirai des dîners au lit où quelques étoiles s'ennuient, du pain pour les canards et de très longs cigares. Je t'offrirai même de l'attention et une grande cage à lions, d'interminables massages ou un espace dans la marge, un jeu de flûte à champagne, de la terrine de campagne. Je t'offrirai du rouge à lèvres, des bus les jours de grève, quelques notes de folie, à défaut de t'offrir ma vie.